Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et 4 épisodes pour 59 minutes de radio Cousumain. Cette semaine, on rediffuse 4 épisodes pour donner la parole aux lycéens. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que ce lundi 29 novembre 2021 a eu lieu à la Maison de la Radio le festival Et Maintenant, qui se propose de faire émerger des idées pour demain en prenant le pouls d'une jeunesse prise entre Covid, crise et réchauffement climatique et qui a des choses à dire sur la vie, l'école, la sexualité, les réseaux sociaux et les violences policières. Et dans vos oreilles aujourd'hui, Mante la Jolie, des lycéens à genoux, un documentaire de Johanna Bedeau réalisé par Angélique Thibault. Mais pour commencer, troisième épisode, le 7 décembre 2018, en pleine mobilisation lycéenne, 151 adolescents ont été interpellés puis mis à genoux, un souvenir cuisant pour les jeunes et leurs familles. Mais que s'est-il donc passé? Mante la Jolie, des lycéens à genoux. Johanna Bedeau, Angélique Thibault. Durant une bonne partie de l'été, vous le savez probablement, puisque je pense que vous n'avez pas pris beaucoup de vacances, comme les autres membres du gouvernement, les nuits de la banlieue lyonnaise ont été particulièrement chaudes. À Vénissieux, le quartier des Minguettes. On l'appelle toujours la ZUP des Minguettes, la zone à urbaniser en priorité depuis 1967. 35 000 personnes habitent ici, plus de 40 nationalités y sont représentées. Depuis le début de l'été, les vols de voitures se sont multipliés, suivis de rodéos et d'incendies, des « distractions » entre guillemets pour des jeunes qui ne disposent que de 4 éducateurs, alors qu'ils sont 10 000 de 10 à 19 ans. Il n'y a pas assez d'éducateurs, je trouve. Et puis les gens pour un rien, ils se plaignent tout de suite, là, un peu de bruit, allez hop, sur compte des voyous, allez hop, ceux qui font le bordel, ceux qui machinent tout ça, c'est trop triste. Ils abusent quand même. Dans ce quartier, on n'a même pas un endroit de rencontre. Parce qu'il y en a qui nous croient qu'on est capable de rien faire, mais en vrai, on est toujours réadaptable à la société, comme on dit en vrai. Il y a toujours un moyen de se redresser. Mais là, ils disent non, c'est les mecs pour les laisser. Bien sûr, si nous laissons comme ça, nous laissons tomber, ça va dégénérer, ça fait du mal. Comment tu le vois, toi, dans 10 ans ou... Bah moi, personnellement, je sais que je ne vais pas tarder à m'arracher. Alors, je pense que quand je sais que je vais partir, c'est parce que je sais que ça va aller de plus en plus mal et ça va finir mal, très mal. Alors, il vaut mieux que je parte avant que ça finisse mal. Il faut pas quelque chose avant. Ce qu'il faut, c'est qu'ils donnent un local et qu'ils essaient de trouver. Il faut que les flics aussi arrêtent de narguer parce qu'un jour ou l'autre, ça va mal aller aussi de l'autre côté. Et toi, Fredo, comment tu te vois dans 10 ans? Toi, personnellement, travaillant, marié, des enfants et... Non, c'est pas avec cette vie de chien. Nous sommes la République. On n'a pas d'avenir, on n'a pas l'avenir nous-mêmes. Vous voulez que nos gosses ils ont des amis? Nous ne sommes pas un territoire perdu, nous sommes un territoire oublié et stigmatisé, mais certainement pas un territoire perdu de la République. A new video has emerged on their knees with their hands behind their head. 152 enfants raflés ce jour-là. 90% des jeunes qui étaient là pour le spectacle et 10% qui étaient là pour casser. Ce qui fallait attraper, c'est les casseurs, c'est pas les autres. Les autres, ils les ont emmenés en garde à vue, les parents, ils étaient en train de pleurer, ils avaient peur pour leurs enfants. Il y en a, ils étaient à Versailles, d'autres à Flins, d'autres à je sais pas où. Et en plus, les parents, ils n'avaient pas de nouvelles de leurs enfants pendant 6 heures ou 8 heures. Ils appelaient le commissariat ne voulait pas donner de nouvelles. J'ai pas l'habitude de m'exprimer. Et ils ont vu juste la vidéo tournée, il y en a, ils ont reconnu leurs enfants dans la vidéo, c'est... Mais je le fais pour mon fils, parce que... Parce que j'étais là ce jour-là. J'étais là ce jour-là. J'étais présente sur les lieux. J'ai vu tous ces enfants agenouillés, les mains sur la tête. Et je me demandais si mon enfant était dedans, parce que sa sœur m'avait envoyé un message en me demandant s'il était à la maison. Et ça a tout de suite fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais pourquoi elle me pose cette question-là? Donc je l'ai appelée et elle m'a dit, parce qu'ils ont, ramassé plein de jeunes. Et j'ai commencé à vouloir l'appeler. Donc j'ai appelé, ça ne répondait pas. Et puis d'un coup, ça a répondu, puis ça a coupé. Je me suis dit, c'est bizarre parce que quand je l'appelle, il me rappelle tout le temps derrière, forcément. Et je me suis tout de suite habillée et j'y suis allée. C'est comme si je l'avais senti. À cet instant précis, je donne l'instruction à mes policiers en tenue de fermer les deux accès en amont et en aval de la rue Marcel Foux, donc on est sur la rue du lycée Saint-Exupéry, et par les Centes et les rues perpendiculaires, Arnaud Véry, je fais pénétrer les 70 policiers en civil qui du coup viennent au cœur des manifestants et des jeunes. Les jeunes sont totalement surpris par cette manœuvre de police. Ils sont bloqués dans les échappatoires que peuvent représenter les Centes et les rues perpendiculaires qui pourraient permettre de regagner le centre-ville. Donc ils sont complètement pris dans la nasse. Voilà, le 25 janvier 2019, dépose plainte. Je vous écris en qualité de conseil de monsieur S, mineur, représenté légalement par ses parents, madame et monsieur S. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une plainte contre X à raison des faits dont monsieur S a été victime le jeudi 6 décembre 2018 à Mantes-la-Jolie. Vous ne savez pas qui avait commis tout ça. On a visé plusieurs infractions. D'abord, on a rappelé les faits. Jeudi matin, je suis arrivé vers 10h30, je suis allé plus bas voir la manifestation tout en restant l'écart. Plus tard, les policiers nous ont tous encerclés, nous ont chargés, puis tous interpellés. Nous avons été mis à genoux, les mains sur la tête. L'image choc qui fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. L'interpellation a eu lieu près du lycée Saint-Exupéry. J'ai vu un lycéen se faire tirer les cheveux pour qu'il reste sur les genoux directement. Un policier a mis sa matraque ou son flashball entre le dos pour que j'arrête de bouger les jambes, fesses, etc. Un des policiers est venu vers moi et m'a écrasé le dos avec ses chaussures. Ensuite, il m'a pris et a fait une faute. Après, j'ai cherché ma cousine et ma copine. Ils ont mis à genoux. J'ai vu qu'elles ont couru vers là-bas. Je les ai rejoints. Tout le monde, français réfugiés là-bas. Certains l'ont noté face à un mur aux abords. Chaque fois qu'un lycéen se posait une question, il s'est vu derrière directement. Nous prenions ta gueule en rigolant. Il frappait ceux qui se levaient. L'un des policiers a pris en vidéo et a dit à la fin : voilà une classe qui se tient sage. Ariel Imi, donc je fais partie des avocats, des familles et d'un grand nombre de lycéens. Je vais d'abord vous faire un petit point sur la procédure et sur ce qui a été fait depuis le 6 décembre, depuis que le collectif a été créé, organisé. Un certain nombre de familles, malheureusement pas toutes, malheureusement, pas tous les lycéens qui étaient présents ce jour-là, ce 6 décembre, à genoux. Un grand nombre de familles ont décidé de montrer qu'ils peuvent déposer plainte. Et c'est quelque chose d'important que de déposer plainte. On a bataillé parce que, comme vous le savez, il s'agit d'une humiliation, il s'agit de violences qui ont été commises par des forces de l'ordre. La particularité des violences qui sont commises par les forces de l'ordre, c'est que ce sont aussi des policiers qui vont faire l'enquête. Donc l'enquête, la procédure judiciaire des lycéens et des familles, elle est plus compliquée qu'une autre procédure. Au départ, on a déjà beaucoup d'obstacles. Bien évidemment, la symbolique, les images terribles, l'humiliation, le fait qu'il y a eu une résonance international à ce qui a été commis contre ces lycéens, fait que ça a un petit peu aidé. Et pourtant, jusqu'à il y a peu, aucune enquête n'avait été ouverte. Malgré les plaintes déposées, aucune enquête n'avait été ouverte. Donc ça, c'est le courrier avec le recommandé. D'abord, on a rappelé les faits en mettant le lien de la vidéo. Voilà une classe qui se tient sage. On va lancer à leur prof. Ils n'ont jamais vu ça. la tête, on regarde droit devant. La première chose que je dis à un de mes officiers, je lui dis cette image va faire polémique. Vous voyez qu'elle est filmée ? Non mais madame, je vois la scène. Je vois la scène des premiers policiers qui n'ont eu d'autre solution que celle-là pour initier les palpations de sécurité et regrouper tous les jeunes en sécurité. Et la première chose que je dis à un des officiers présents, je dis il va falloir qu'on gère ça parce que on est devant tout le monde et l'image, elle est embêtante. La situation est embêtante. Et l'une des premières choses que je fais, c'est d'appeler mon directeur et d'appeler le préfet, de leur envoyer une photo de la situation et de leur dire voilà, on ne peut pas faire autrement. Donc j'informe immédiatement tout le monde, parce que je connais mon métier, et y compris les incidences médiatiques qu'une action de police peut engendrer, et je dis voilà, voilà ce que je vis en ce moment, je ne peux pas faire autrement. Et quand on connaît l'enchaînement des événements, je crois savoir que tous les acteurs institutionnels, l'autorité judiciaire, qui ont suivi l'enchaînement des événements, qui ont vu la manière dont j'ai travaillé, le directeur de cabinet du préfet était à mes côtés les 3 jours durant, le recteur de l'académie qui avait les chefs d'établissement au téléphone, qui l'appelait à l'aide, m'a appelé personnellement pour me remercier du travail que j'avais fait pour garantir la sécurité de ces établissements scolaires. C'est ça la vérité. Oui. Comme ma collègue et comme certaines mamans du collectif, notre combat est un long combat, on ne lâchera rien. Ce qui s'est passé ce 6 décembre, c'est quelque chose de très fort. On vit avec ça tous les jours. J'envoie mon fils au lycée, la crainte, j'ai la boule au ventre. Je l'appelle régulièrement pour savoir est-ce qu'il est bien à l'école, où est-ce qu'il est. Comme certains commentaires que j'ai pu lire dans les réseaux sociaux, nos enfants sont bien élevés. Enfin, on fait tout pour bien les élever. On la reprend, on les envoie pas taper du monde, on les envoie pas brûler des voitures. Voilà. Après, ce qui s'est passé, moi, c'est je m'en veux un peu parce que ce jour-là, mon fils ne voulait pas aller à l'école. Donc, je l'ai forcé à aller à l'école parce que j'ai appelé l'établissement, on m'a dit que l'école était ouverte et que les enfants étaient reçu. Donc quand j'ai récupéré de mon fils de garde à vue, la chose qu'il m'a dit, c'est « Maman, tu vois, je t'avais dit, je voulais pas aller à l'école. » Je peux vous dire que là, je m'en suis voulu, j'ai culpabilisé. Je me suis dit « C'est moi qui ai envoyé mon fils en garde à vue. J'aurais préféré être à sa place ce jour-là. » Voilà, ce qui est fait, mais en tous les cas, sachez que je ne lâcherai rien. Qu'on lâchera rien. Moi, en tant que papa et en tant que citoyen, je suis toujours un peu blessé. Tous ceux qui côtoient ce qu'on appelle la délinquance des mineurs ne peuvent pas faire autrement que de se projeter et de voir son fils, sa fille, et de se dire « mais comment est-ce qu'on peut en arriver là chez des jeunes finalement de 13, 14, 15 ans qui en arrivent à de tels sentiments de violence, de confusion dans les valeurs ?» On se dit « il y a quand même quelque chose à réparer, en tout cas quelque chose qui n'a pas été fait, et ça c'est la première interrogation. » Après, d'un point de vue technique et professionnel, évidemment qu'on ne veut pas aller au contact en termes d'exercice de la force publique, quand bien même on subit une violence parfois plus importante qu'avec des majeurs. Hein. Je pense que dans l'immaturité un peu du comportement, dans la déconnexion entre le réel et l'imaginaire, il y a malgré tout cette conscience chez un certain nombre que la minorité les protège, d'une manière ou d'une autre. Et ça doit tous nous interroger collectivement sur le travail et la place qu'a le mineur aujourd'hui ou le mineur délinquant dans la société. Et est-ce que finalement on n'est pas allé trop loin peut-être à un moment donné dans le postulat qu'il était victime de beaucoup de choses? Oui, probablement, et ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le travail d'accompagnement, d'éducation et de pédagogie nécessaire. Mais moi je demeure persuadé qu'à un moment donné, la confrontation à la norme, à la valeur, à l'interdit, participe aussi de la construction des valeurs, de la conscience du mineur, et en fera probablement un adulte plus responsable. Donc oui, on fait très attention. J'ai préféré demander à mes policiers de subir les violences pendant des heures, ce qui n'est pas facile en termes de commandement opérationnel. plutôt que de rechercher un contact trop rapide, trop violent entre guillemets, et de prendre le risque d'avoir un blessé parmi les jeunes, et pire, un blessé passif. Je suis allée faire un tour devant le lycée Jean Rostand, où est scolarisé mon fils en classe de première. Il y avait un attroupement de lycéens devant le portail. Il n'y avait pas de débordement. Quand je dis pas de débordement, les jeunes étaient dans la rue, donc évidemment ça chamaille, ça se bouscule un peu. Mais de mon avis de maman, c'était pas, ils se mettaient pas en danger. Ils étaient pas très nombreux, mais déjà le mardi, au bas de la rue du lycée Jean Rostand, il y avait des policiers. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est que de l'autre côté, donc ce qui n'était pas visible depuis là où étaient les lycéens, il y avait 4 ou 5 fourgons de police avec des policiers à l'intérieur. Mercredi, 9h30 d'abord, on sent déjà que c'est beaucoup plus tendu que la veille. Les lycéens sont bien énervés et disent « Mais madame, ils viennent de nous lancer des grenades lacrymo, pourquoi on n'a rien fait ?» Du coup, j'avance un peu, il y a deux poubelles qui brûlent. Donc, je rentre chez moi, je retourne récupérer les enfants à 12h30. Il n'y a pas de policiers à ce moment-là. Il est 12h30, il n'y a plus du tout de policiers. Il y a des véhicules qui brûlent. Il y a un panneau de stop qui a été renversé. Le feu de signalisation de près du lycée Saint-Ex, pareil, il a été cassé. Et là, ça brûle quand même, mais il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de flics. D'habitude, ils se déplacent pour rien. On a la BAC. La BAC, elle est sans arrêt en train de tourner devant au Val-Fourré. Parfois, il y a même des cars de CRS près du collège Clémenceau, qui est près de la patinoire. Là, il n'y a pas de policiers. Et puis après le jeudi matin, ça me paraît calme. Les policiers sont déjà là. Et là, dès le début de matinée, il y a eu confinement. Donc Saint-Ex et Jean Rostand ferment. Donc les lycéens qui sont arrivés à 8h30 ne pourront pas sortir jusqu'à nouvel ordre. Et les lycéens qui ont envie d'aller en cours au cours de la matinée, ils ne peuvent pas y aller. Pour nous, cette situation, en fait, elle débute non pas le 6 décembre, le jour des interpellations, mais le 4 décembre. S'amorce au plan national un début de mouvement lycéen qu'il y avait dans toute la France, avec des contestations plus ou moins lisibles, comme toujours dans ces moments-là, Parcoursup, la réforme du bac. Mais ce n'est pas le seul élément de contexte. Quelques jours auparavant, vous devez vous en souvenir également, il y a cette manifestation dont tout le monde se souvient à l'Arc de Triomphe des Gilets jaunes. Et en fait, dès le premier jour, nous on sait qu'on n'aura pas affaire à un mouvement lycéen revendicatif comme on pouvait s'y attendre, mais qu'en réalité, on est dans une volonté chez un certain nombre de jeunes du secteur de se saisir un peu des images d'affrontement entre la police et les gilets jaunes pour importer finalement ce conflit ici sur le territoire sous couvert des manifestations ou des mouvements lycéens. Alors ce jour-là, et il faut parler aussi des jours qui précèdent, parce qu'il faut vraiment être honnête, il y a eu pas mal de violences avec des blocus de lycées à Mantes-la-Jolie. Il y a eu des violences, notamment quelques impétrants qui se sont amusés à essayer de déplacer des bouteilles de gaz. C'est des violences qui auraient pu mal tourner, ça va de soi. Maintenant, ce jour-là, il n'y avait pas eu de bouteille de gaz, il y avait des violences, c'est-à-dire une confrontation entre quelques lycéens, un petit groupe de lycéens, et les forces de l'ordre, à Mantes-la-Jolie, sachant que ce jour-là, il y avait plusieurs lycées qui étaient en blocus, et que les lycées de Mantes-la-Jolie sont très proches les uns des autres, à quelques centaines de mètres les uns des autres. C'était le jeudi 6 décembre. Je prends mon bus pour aller au lycée comme tous les matins, même si je ne voulais pas y aller, car depuis le début de la semaine, il y avait les blocus poubelles brûlées. Mais ma mère m'a obligé à y aller car elle a appelé le lycée, et le lycée a dit que les élèves étaient accueillis en classe, alors que c'est faux. Donc je descends du bus, et là, de loin, je voyais que ça brûlait. Donc quand j'arrive devant le lycée, l'accès était impossible car des poubelles brûlées, il y avait des flammes. Donc avec mon ami, on décide de remonter vers le lycée Saint-Exupéry, le temps que ça se calme. Et après, on rentre au lycée pour manger à la cantine. Quand on arrive vers le lycée Saint-Exupéry, on voyait aussi le feu vers la patinoire et un groupe de jeunes s'approchait du lycée. Et là, le feu a été mis sur une voiture. Moi et mon ami, on regardait par curiosité. Les 3, 4, 5 décembre, la commune de Mantes-la-Jolie a été le théâtre de mouvements de la part de lycéens aux abords des établissements Jean Rostand et Saint-Exupéry qui sont localisés à proximité du quartier Valfouré. Au fil des jours, ce que l'on a pu observer, c'est que des lycéens auteurs de blocages étaient rejoints par une centaine d'individus encagoulés et armés de bâtons et d'engins incendiaires avec la ferme intention d'en découdre avec les forces de l'ordre. Je revenais de mon lycée avec mes copines et on est descendu à l'arrêt de bus à côté du lycée Saint-Exupéry pour aller chercher une amie. Nous avons vu une foule courir sous le coup de la peur. On a couru au Resto du Cœur et c'est à ce moment-là qu'on s'est fait rattraper. On nous a fait des remarques comme « tu vas choisir quelle prison ?»« Bois d'Arcy, etc. » J'avais très mal au poignet à cause des menottes. C'était terrifiant. J'ai eu très peur, mais j'étais avec mes copines. Et donc on était la l'une pour l'autre. Laetitia, 15 ans. Ce ne sont pas des mouvements de lycéens, mais de véritables violences urbaines que l'on a connues et qui sont le fait d'individus qui n'ont pas hésité. Et je reprends les faits. Construire de nombreuses barrières de feu dans les rues étroites. Après là, d'un secteur ils ont commencé à rigoler sur nous et nous filmer. Il y avait aussi un drone au-dessus de nous. On est resté au moins 2-3 heures comme ça. J'ai cru que ce cauchemar ne s'arrêterait jamais. Un élève a essayé de courir, ils l'ont rattrapé, mis au sol et lui ont donné des coups de pied dans le corps avec leurs grosses chaussures. J'oublierai jamais ce jour, une journée traumatisante, indélébile, que je ne souhaite à personne. C'est dans ce cadre-là que nos forces de l'ordre sont intervenues. Malik, 16 ans. À ce moment-là, il y a à peu près... Alors, il y a une scène incroyable. Vous avez 10 policiers de BAC qui courent derrière un groupe de 20 jeunes qui tentent de s'échapper d'un côté. 15 autres policiers de BAC qui courent derrière un groupe de 30 jeunes qui tentent de repartir vers la cité du Valfouré, mais qui sont eux-mêmes bloqués par des policiers de maintien de l'ordre à cet endroit-là. Donc, vous avez des groupes de policiers, des groupes de jeunes un peu éclatés, et vous avez un groupe principal de lycéens, à peu près 60-70, avec une quinzaine ou une vingtaine de policiers derrière, qui se réfugient ou tentent de se réfugier à cet endroit-là, au-dessus des restaurants du cœur, sont empêchés de fuir, et d'eux-mêmes, je dis bien d'eux-mêmes, surpris et clairement paniqués par la situation, ils s'allongent au sol, avant même que les policiers ne soient arrivés à leur contact. Les jeunes s'allongent au sol. Oui, et tout ça est filmé, madame. Donc ce que je dis, je ne prendrai pas le risque de le dire devant un micro, tout cela est avéré. C'est la panique qui, effectivement, les fait, dans un premier temps, se mettre dans cette situation. Mais je me suis prémuni de tout ça, avant même l'image qu'on testait. Je vous l'ai dit, j'ai tout filmé. Tout est enregistré sur les communications radio de ma salle de commandement. Et donc, tous les éléments factuels, matériels, ne peuvent qu'aboutir au constat que nous avons fait le travail de manière professionnelle, avec la volonté de ne blesser aucun jeune, et je n'ai blessé aucun jeune. Vous n'avez aucun jeune blessé pendant les 4 jours d'émeute, malgré la violence. J'ai 2 policiers légèrement blessés, et je n'ai aucun jeune blessé. Et j'en suis fier. Et le mercredi matin, j'ai dit à Hakim, tu y vas, mais si il y a quoi que ce soit, tu reviens. Donc je l'ai appelé vers 9h30, je lui ai dit, oui, il m'a dit, j'arrive, mais je suis obligée de faire tout le tour par le 105. Pour redescendre, en fait. Ils ne pouvaient pas redescendre comme ils font d'habitude. Ils étaient obligés de faire tout le tour puisque les policiers les bloquaient. Et là, quand il est arrivé derrière l'Agora, donc là où ils ont été mis à genoux, il m'a dit ce matin-là, il y avait une voiture de la BAC qui ouvrait et fermait la grille. Il y avait un petit chemin pour aller à l'Agora, même où souvent on prend nos bus, tout ça, pour rentrer chez nous. Il y a vers Rostand, par exemple, et il y a vers la patinoire. Mmh. Et ils ont bouché les issues. Ça veut dire des policiers qui venaient de toutes les issues. Quand ils se sont tous retrouvés comme ça, pris en tenaille, la fumée partout. En courant, comme si... Forcément, c'est des enfants, ils paniquent. Et quand ils se sont réfugiés, une partie dans les Restos du Cœur... Vous êtes combien à ce moment-là, dans les Restos du Cœur, on devait être à peu près 70. Dans la pièce, déjà, dans les Restos du Cœur, dans la pièce, on était pas mal déjà, et on complétait à peu près tout le local. Donc ouais, on était à peu près 70. Et les autres dans le jardin? Il y en a qui s'étaient fait attraper avant. Ouais, il y en a qui ont essayé d'escalader pour aller au jardin pour à la fin arriver à l'Agora. Mais ils sont fait prendre. On faisait un simple blocus devant notre lycée jusqu'à ce que les élèves de Rostand débarquent et brûlent des poubelles. Et puis on s'est tous serré les coudes. La police est arrivée, ils ont directement cherché l'affrontement. Ils nous ont tendu un piège, puis ont essayé de s'enfuir, mais impossible. Puis par peur, on est parti au Resto du Cœur. Puis on s'est tous fait arrêter en file indienne. On voit bien d'ailleurs sur cette vidéo que ce sont des enfants qui on s'est fait fouiller, sont pris à partie par des forces de l'ordre, main sur la tête pendant longtemps. Qui sont armés, qui sont casqués, qui sont, tout le monde, un qui par sont un, protégés, qui ont des matraques et qui ils utilisaient la force qui se demandent alors ils sont là surtout, qui sont complètement hallucinés. Et puis ils se foutaient de nos gueules, ils nous prenaient en photo en rigolant. Ils frappaient ceux qui se levaient car ils avaient ras-le-bol. Ils ont dit à une fille qui leur répondait « Tu vas fermer ta bouche et arrêter de faire la reine de la jungle car elle était noire de peau ». Puis ils m'ont menacé de casser mon portable lorsque je leur demandais qu'est-ce qu'ils allaient faire de mes affaires. On s'est fait embarquer dans une voiture de police. Ils ont roulé comme des fous. Nos têtes tapaient contre les vitres. Lilian, 16 ans. Est-ce qu'on peut arrêter des personnes qui n'ont rien fait? Est-ce que c'est légal? Alors, oui, c'est légal, en soi. Parce que justement, interpeller quelqu'un, c'est pour déterminer, à l'issue d'une enquête, s'il a fait quelque chose. Donc en soi, il n'y a pas de... encore faut-il qu'il y ait quelque chose de vu ou de constaté par rapport à ces enfants. Et là, en l'occurrence, s'ils ont vu et constaté pour certains d'entre eux, une minorité, et c'est eux-mêmes qui le disent avec les classements sans suite à la fin, hein, ils n'avaient pas le droit d'interpeller 95% de ces enfants. Une NAS, c'est quelque chose d'illégal. C'est même une infraction en soi, le fait de nasser. Je crois qu'on ne se rend même pas compte que quelque chose qui est devenu trop courant et qui a été utilisé contre des gamins est illégal. On n'a pas le droit de priver de liberté, ne serait-ce que quelques instants, une personne qui n'a pas commis d'infraction. Donc on banalise les comportements infractionnels des autorités policières et administratives. Ce qu'ils ont vécu, c'est quoi ? Ce sont des infractions pénales. Il faut le dire, hein. Ce ne sont pas que des infractions morales. Bien sûr, le caractère immoral est absolu et évident. Mais ce sont des infractions pénales qui sont punies et sanctionnées par le code pénal et par des juges. Les infractions que nous avons visées, c'est d'abord la violation de liberté individuelle. C'est quoi cette infraction ? C'est le fait d'avoir été séquestré dans un enclos pendant plusieurs heures. C'est une séquestration, mais qui est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique, à savoir des fonctionnaires de police. C'est sanctionné pénalement, c'est une infraction pénale. Ils n'auraient pas dû les mettre dans cet enclos pendant plusieurs heures. La deuxième infraction, ce sont les violences qui ont été commises sur certains. Alors, nous considérons qu'à partir du moment où on a été laissé à genoux pendant une heure ou plus, c'est déjà en soi une violence, voire un acte de torture et de barbarie. C'est aussi ce que nous avons visé. Les violences, ce sont aussi les coups de matraque sur certains qui étaient à genoux. C'est les coups de gazeuse dans l'enclos alors qu'ils ne pouvaient pas bouger. Ce sont les menottes que certains ont eues, ou les serflex qui ont attaché leurs mains pendant plusieurs heures alors qu'ils étaient à genoux au sol. C'est aussi une violence parce que il n'était pas nécessaire de les menotter, même si il y avait eu une infraction, et ça on verra. La dernière infraction que nous avons visée, ce sont les insultes à caractère raciste pour certaines, mais également le fait d'avoir filmé les lycéens qui étaient à genoux et menottés, c'est également une infraction parce qu'on n'a pas le droit de filmer quelqu'un qui est mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale. On essaie d'apercevoir ce qui se passe derrière, mais évidemment il y a des policiers. Et puis on peut pas trop, voilà, sorte qu'on ne voit pas. On peut pas trop s'approcher, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais on sait qu'ils sont nombreux. On sait qu'ils sont nombreux parce que dans la matinée, on a vu passer des snaps, parce que les lycéens se font passer des snaps. Et il y en a un notamment, c'est une jeune fille qui est chez elle, parce que devant Saint-Ex, il y a des pavillons, etc. Et dans ce qu'on voit, donc il y a des jeunes qui marchent. Il y a déjà des gaz lacrymo, donc on voit une fumée épaisse. D'un coup, en fait, ça court, ça crie, et cette jeune fille qui dit « Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sortent leur arme ?» Elle sait pas que c'est un lanceur de balles de défense, mais pour elle, c'est une arme. Ils vont pas les tuer. Et il y a trois policiers donc qui sont sur le muret, et on entend en fait les tirs. Poum, poum, poum. Il y a de la fumée, ils savent pas où ils tirent. Mais ils continuent, on entend les poum, poum. Au bout d'une heure, deux heures, tu vois les... les lycéens qui sont amenés un par un, donc qui sont escortés d'un policier, qui sont menottés. Et donc on les voit passer, comme ça, et tu as un truc qui se noue. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien! Rien! Est-ce que ces 152 jeunes, est-ce qu'ils ont, ont brûlé? Est-ce qu'ils ont cramé? Et quand bien même, moi j'ai envie de dire, et quand bien même, ces lycéens, ils ont brûlé deux poubelles. C'était moins bordel. Alors, j'entends l'objectif, bien. C'était quoi, selon toi? De nous coincer, c'était de prendre le plus de monde possible. Et à la fin, ils ont pas eu grand-chose. Et ils m'ont agenouillé, main sur la tête. Là, les premières auditions ont commencé. Ensuite, ça commence à courir de partout. À l'IGPN. L'IGPN, c'est la police des polices. C'est censé être cette police qui justement enquête sur les policiers lorsque des violences policières sont commises. Quelques auditions ont eu lieu. Pas beaucoup. On a été mis au sol, dans le terrain. On s'est pris des coups de matraque pour nous dire d'avancer. Quatre, à notre grand regret pour l'instant. La seule chose qui avait été faite à l'IGPN, donc cette inspection générale de la police nationale, devoir raconter devant ses parents, devant un policier, devant quelqu'un qu'il ne connaît pas, devant un avocat, devoir raconter ce qu'il a subi, alors peut-être même qu'il ne l'a jamais raconté. Certains sont restés 3 semaines cloîtrés dans leur chambre pour vous dire l'impact. Ensuite, ils nous ont mis à genoux, sur les cailloux, mains derrière la tête pour certains, et menottes et attaches en plastique pour d'autres. Après là, ils ont commencé à rigoler sur nous, et nous filmer. Il y avait aussi un drone au-dessus de nous. On est resté au moins 2-3 heures comme ça. J'ai cru que ce cauchemar ne s'arrêterait jamais. Un élève a essayé de courir, ils l'ont rattrapé, mis au sol, et lui ont donné des coups de pied dans le corps, avec leurs grosses chaussures. J'oublierai jamais ce jour. Quand en garde à vue, ensuite, quelques minutes après, notre quelqu'un n'est pas content de sa police en garde à vue, etc., discute un petit peu, tout ça énerve les policiers. Jean-Marie Delarue. Et la conséquence, bien souvent, c'est que on l'humilie, on va quelquefois à le frapper, et puis pour l'embêter, on lui colle, cette familiarité aussi, mais c'est volontaire, on lui colle une procédure pour outrage et rébellion. Voilà. Et comme on le sait, dans les statistiques pénales depuis, on va dire, 20 ans, les délits relatifs à outrage et à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion ont augmenté vertigineusement. Donc c'est sûrement le reflet d'une partie des réactions des gens qui sont interpellés, qui sont confrontés à la police, mais c'est aussi le reflet d'une attitude de la police à l'égard de la population. Et j'ai vu trop de gens humiliés en garde à vue, moi, pour ne pas avoir pensé à ça au moment de ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, c'est-à-dire, quel que soit, j'allais dire, l'âge, le sexe de la personne, l'important, c'est de lui faire comprendre que l'autorité, elle est du côté de la police. Je dirais pas de la loi, en l'espèce. Hein. Elle est du côté de la police et que chacun doit le comprendre. Tout se passe au fond comme si la police avait le sentiment que la loi est inutile et que pour faire respecter l'ordre public, il fallait qu'elle, la police, tienne lieu de loi. Autrement dit, par l'humiliation, par les positions telles que celles que vous évoquez, y compris à l'égard de jeunes gens, très jeunes, y compris à l'égard de lycéens, bon, dont on peut penser qu'ils sont pas dans les dealers notoires, on va dire, cette politique-là s'exerce. Puisque la loi est inefficace dans le métier que je fais, alors je me substitue à la loi et c'est mon autorité qui est en cause. Et c'est cette autorité-là dont je vais exiger le respect à tout moment. Et cette attitude-là, je crois, cette pensée-là, conduit inévitablement à des excès dont Mantes-la-Jolie est l'expression. Et ce qui est préoccupant, au-delà de ce que je décris là, c'est que cette attitude, elle est souvent encouragée par la hiérarchie, et puis quelquefois aussi, il faut bien le dire, couverte par le pouvoir politique. Redouane, 17 ans. Ils ont des yeux, ils savent qu'on est des enfants, ils savent qu'on est des élèves, ils savent qu'on exprime quelque chose. Pourquoi ils utilisent la violence contre ça alors qu'on ne fait que s'exprimer et d'utiliser nos droits? Jean-Marie Lélaire. Oui, est-ce qu'on peut répondre de la même façon à des mineurs qu'à des majeurs face à la violence, même s'il y a eu violence? Non. Par définition, un mineur est un mineur. Je veux dire quelqu'un qui n'a pas tout le discernement nécessaire. En ce moment, on est en train de discuter de discernement en matière pénale, par exemple. Bon, on discerne tout ce que peut discerner un majeur à compter du moment où on est majeur. Et avant, on est un enfant. Et par conséquent, on n'a pas toutes les données en main. Le recours à la violence par des mineurs n'a pas la même portée que le recours à la violence par des majeurs. C'est si vrai qu'en principe, les sanctions pénales ne sont pas identiques. On privilégie l'éducatif pour le mineur et on essaye, quand il faut lui appliquer une peine, de l'appliquer de façon moins rigoureuse. Donc on ne peut pas traiter les mineurs comme les majeurs. Alors même que je sais bien que des enseignants, des policiers, des juges nous disent « Mais vous savez, il y a des mineurs de 17 ans qui ont des gros bras, qui sont baraqués et qui ressemblent fort à des majeurs amateurs de karaté. » Bon, c'est vrai bien sûr ça, mais en même temps, ça n'empêche qu'ils n'ont pas la majorité légale et que Dieu merci, il faut bien une frontière quelque part. Et par conséquent, ces enfants-là, si baraqués soient-ils, il faut les traiter comme des enfants. On est un enfant jusqu'à 18 ans. Le juge des enfants, c'est une fonction qui a été créée par le général de Gaulle en 1945, puis en 1958. Édouard Durand. Et qui a deux volets. Le juge des enfants a deux fonctions. La première, historiquement, c'est la sanction des infractions qui sont commises par les enfants. Et la seconde, c'est la protection des enfants en danger. Mais on peut dire que ces deux fonctions ne font qu'une, puisque l'un des premiers mots de l'exposé des motifs de l'ordonnance de 1945 est de dire que l'enfance délinquante fait partie de l'enfance en danger, qui doit être protégée à ce titre. On ne se conduit pas de la même manière devant un enfant et devant un adulte. Et on ne réagit pas de la même manière face à un enfant et face à un adulte. Ensuite, il y a une dimension juridique de règles de droit dans notre société qui sont spécifiques à l'enfance délinquante. Et je dirais d'ailleurs que c'est un impératif que je me fixe comme juge des enfants statuant en matière pénale. Je dirais que ce que je dois faire, c'est remettre l'enfant à sa place, remettre l'enfant délinquant à sa place, c'est-à-dire d'abord sa place d'enfant. Nous ne devons pas avoir peur de notre jeunesse. Mais ce souhait bienveillant ne doit pas nous conduire à banaliser, à minimiser ou à masquer la violence que peuvent générer certains enfants, que des enfants peuvent générer. Je ne dis pas certains, mais que des enfants peuvent générer. C'est-à-dire aussi que par la transgression de la loi et plus gravement encore par une transgression violente de la loi, par la violence, on se met au-dessus des autres. Et dire remettre celui qui a transgressé à sa place, c'est le remettre dans la symétrie avec ses semblables. Tous étaient placés en garde à vue pour participation à un groupement formé en vue de commettre des violences, qui est une infraction qu'on peut être amené à utiliser dans les grandes manifestations où se mêlent des casseurs, des manifestants violents. Sur les 151 de mémoire, à quelques unités près, une bonne vingtaine d'entre eux, ce jour-là, ont été poursuivis pour des violences contre fonctionnaires de police, pour des incendies et des dégradations par incendie, et pour des vols avec violence sur des automobilistes et des détentions d'armes. Et j'attire donc l'attention pour finir sur le fait que, là encore, avec le parquet, nous avons poursuivi les jours suivants le travail d'investigation, d'identification, et que nous sommes parvenus à identifier en particulier 5 meneurs que nous avons vus agir à l'occasion de ces violences urbaines le 4, le 5 et le 6 décembre à Mantes-la-Jolie, mais également devant l'établissement Camille Claudel à Mantes-la-Ville. Avant d'être tous à terre, un des policiers nous a lancé une bombe lacrymogène dans nos têtes. Après ça, nous avons été fouillés soit par un homme, soit par une femme, cela dépendait du sexe du lycéen. Nous sommes restés 2-3 heures à terre, les mains sur la tête, jusqu'à ce qu'ils nous embarquent dans leur voiture par petits groupes. Dans les camions, nous étions dans des cages. Une fois arrivé au poste, on m'a amené à une policière pour qu'elle me pose des questions et me fasse remplir des documents. Elle a ensuite prévenu mes parents, et elle m'a laissé 2 minutes pour parler avec l'un d'entre eux. Avant d'aller en cellule, ils m'ont retiré mon élastique, mes lacets, mon soutien-gorge. J'ai été ensuite mise en cellule. J'étais la seule fille. Ils n'avaient donc pas le droit de me mettre avec plusieurs garçons. À l'intérieur de la cellule, le lit n'est rien d'autre qu'une planche avec une couverture sans oreiller. Il y avait un trou qui servait pour les toilettes. Rien d'hygiénique. Ensuite, j'ai vu la magistrat qui m'a annoncé que je resterais 48 heures en garde à vue. Le soir, un garde est venu me demander si je voulais manger. J'ai donc dit que oui. Une dizaine de minutes après, il est revenu avec le plat. Ce fameux plat était immangeable. Je n'ai donc pas mangé. La nuit, une personne étant en garde à vue se plaignait de ne pas avoir de place pour dormir, ni de couverture. Le garde n'a rien fait pour l'aider. Le lendemain, ils sont venus me demander si je voulais voir un médecin. J'ai refusé, puisque je n'avais pas été frappé, ou autre. Ils m'ont donné un petit déjeuner et après, plus rien. Ils sont juste venus me voir pour m'annoncer que je pouvais sortir vers 12h45. J'ai dû remplir des documents pour prouver que je suis sorti. J'ai également relu ce que la policière a écrit lors de mon audition. Mes parents sont arrivés entre-temps et j'ai pu sortir. Ibtissam, 16 ans. La directrice de l'IGPN a pu se prononcer sans même avoir quoi que ce soit dans le cadre de l'enquête judiciaire. Elle s'est prononcée devant la commission d'enquête parlementaire sur les mouvements sociaux, à la demande d'un député, sur l'enquête administrative, dont on a pris connaissance ce jour-là d'ailleurs, puisque finalement les conclusions de cette enquête administrative avaient été rendues plusieurs mois auparavant. Cette enquête administrative, elle a été faite sur quoi ? Elle a été faite sur tout simplement les déclarations des policiers et les auditions, elle le dit, hein, quand on écoute Madame Brigitte Julien, elle le dit sur les auditions des enfants. Moi, j'étais un petit peu étonné parce que les enfants, ils venaient de commencer à être auditionnés par les GPN. En fait, il y avait 2-3 jeunes qui avaient été auditionnés. Oui, à peine. 4, mais c'est pas sur les auditions des lycéens, en fait, qu'elles se fondaient. C'est sur les gardes à vue des lycéens. Donc quoi ? C'est-à-dire sur le fait qu'on leur reprochait quelque chose pendant ces gardes à vue. Et Madame Brigitte Julien et l'enquête administrative s'est fondée sur ces auditions de garde à vue où on reprochait quelque chose aux lycéens d'avoir participé à un groupement pour dire il n'y a pas eu de violence. Ou bien il n'y a pas eu de comportement déviant des policiers puisque nous, on a lu... les auditions de garde à vue des lycéens, mais dans ces auditions de garde à vue, on leur demande pas ce qu'ils ont subi. On leur demande s'ils ont fait quelque chose. Donc c'est un dévoiement de la raison. C'est une forme de communication biaisée qui ne repose sur strictement rien et malheureusement qu'on rencontre systématiquement dans les dossiers de violence policière. C'est une communication traditionnelle. Il y a une violence légitime de l'État, que personne ne nie. Je ne suis pas là pour nier la possibilité d'exercer une violence quand on est un membre des forces de l'ordre ou un représentant de l'État. Mais que cette violence, elle soit faite dans des règles, des conditions et normalement. Et là, cette violence, elle n'est plus normale. Elle a dépassé tous les cadres. Elle est même, à mon sens, devenue outil de gouvernement. Parce que son caractère systémique, effectivement, et on parle de système, de violence, ne peut plus faire de doute compte tenu des statistiques, des probabilités et du nombre de violences qu'on a pu voir. Cette directrice de l'IGPN, si j'ai bien compris, elle parle quand même du contexte de la manifestation durant laquelle il y a eu ces interpellations qui étaient particulièrement violentes et elle justifie presque la réaction des policiers. C'est ce qui se passe systématiquement. En fait, vous avez un très très bon cas dans les déclarations de Brigitte Julien, parce que vous retrouverez le même type de communication dans tous les dossiers de violence policière. Que ce soit l'affaire de Rémi Fraisse, où dès le début, peu de temps après la mort de Rémi, eh bien, on a vu ce type de communication avec la violence extrême commise par les manifestants à Sivens et qui justifie qu'un homme ait été tué. Geneviève Leguet à Nice. Des manifestants extrêmement violents, l'interdiction de manifester qui aurait dû conduire ces manifestants à ne pas être présents sur cette place. Donc finalement, c'est leur faute. Sébastien Maillet, devant l'Assemblée nationale, qui venait de perdre sa main, et on entend un syndicaliste de police dire « c'est bien fait pour sa gueule ». Il n'avait pas qu'à ramasser sa grenade. Il n'a pas qu'à être là. Finalement, au-delà même d'une justification, c'est une victimisation. Toujours est-il que on est dans un univers qui ne correspond pas forcément aux critères de l'état de droit. Il n'y a rien eu après. Il n'y a rien eu avant. Il n'y a rien eu sur ces... Enfin, il n'y a pas eu un choc, le choc qu'on aurait dû attendre dans un gouvernement traditionnel, avec des gens, enfin avec un président qui va vers ses enfants, qui leur dit ce que l'on vous a fait n'est pas normal. C'est tout. En allant manger un kebab au restaurant L'Étoile de Fès avec un ami, j'ai vu des gens courir et des tirs de flashball. J'ai suivi le mouvement de foule et en courant, je me suis retrouvé dans un jardin clôturé avec beaucoup de jeunes. La police nous a rattrapés et nous a crié « couchez-vous les mains sur la tête ». Que la colère sociale se transforme en violence, c'est pas une atteinte à notre démocratie. C'est au contraire quelque chose de légitime que les corps intermédiaires, syndicats surtout, doivent s'efforcer de canaliser. Mais la violence est quelque chose, Hobbes l'a dit bien avant moi, qui ressort de la condition humaine naturelle. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a évidemment pas tout dit. Alors est-ce que les moments où les corps intermédiaires dépérissent un peu parce qu'ils ne sont plus guère entendus ou consultés, est-ce que le fait qu'il y ait des basculements sociaux très importants, la vie ouvrière se meurt, la mondialisation est là, etc., etc., est-ce que tous ces changements majeurs ne font pas naître des inquiétudes, et des inquiétudes auxquelles on ne répond pas? Oui, la réponse est oui. Est-ce que le gouvernement déploie toutes ses forces pour être à l'écoute de ces inquiétudes? Je ne peux pas répondre de moi-même, mais la crise sociale que nous venons de vivre, qui n'est pas terminée, a montré que non. Et elle l'a montré à l'égard d'un segment de population qui est un segment très particulier, c'est-à-dire les comme on l'a dit dans un bouquin célèbre, les gens de peu, c'est-à-dire les gens qui ont peu de fortune, peu de considération, peu de réseau, d'amitié, de relations. Bon, ces gens-là ont manifesté en novembre, en décembre, en janvier, en février, en mars, avril, en mai. Mais le prolétariat qui est dans la même situation, si ce n'est pire, n'a pas bougé. Mais tous les pauvres de ce pays qui sont alors eux au fond du trou n'ont pas bougé. Bon, donc il y a encore des raisons d'être violent sans doute. Il faut que naturellement le pouvoir politique écoute ça. Bon, ce qu'il faut bien comprendre, en un mot, c'est que on a eu le maître mot de la part du président de la République et du ministère de l'Intérieur. Les violences policières n'existent pas. C'est ce que chacun a pu dire. C'est ce qui a été répété sur tous les plateaux de télé pendant des mois et des mois par les syndicats de police. Les violences policières n'existent pas. À partir du moment où la tête dit ça n'existe pas, ceux qui enquêtent vont dire ou vont faire en sorte que cela n'existe pas. Et je peux vous assurer que s'il n'y avait pas eu ce collectif, s'il n'y avait pas eu ces plaintes, si on ne se battait pas tous les matins, du matin au soir, pour essayer d'obtenir justice, il n'y aurait rien eu. Je vous le signe. Donc voilà où on en est. Aujourd'hui, l'ordonnance de 45, on a d'ailleurs une ministre de la Justice qui veut la supprimer. Donc là, vous avez combien de jeunes et de familles ont porté plainte aujourd'hui ? Il y a 4 auditions qui ont été réalisées. J'ose espérer que ces 152 enfants tous, intégralement, soient entendus par la justice. On n'a plus aucune convocation depuis un petit moment. Et si l'IGPN ne veut pas, en soi, avec le procureur de la République, entendre tous les enfants, nous, on demandera à ce que tous les enfants soient entendus. Et je ne comprendrai pas que tous les enfants ne soient pas entendus. Ça n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous témoins. Voilà, ça commence... Moi j'ai du mal, hein, j'avoue, j'arrive à avoir du mal. Avec eux, il y a eu trop de choses. Trop, ça, c'est comme si ça avait été la goutte d'eau ce jeudi 6 décembre. Ça a été le trop. La foi de trop. Stop, on en a marre. Nos enfants, ils ont le droit de se balader. Quand vous voyez vos enfants, ils sont contrôlés 4, 5, 6, 7 fois dans la journée. Quand vous voyez des mômes de 13 ans, moi je sais que j'ai même voulu m'arrêter, mais on était pris par le temps, tu te rappelles, près de chez tes parents à Saïd, printemps dernier. Ils ont entre 12 et 13 ans, ils jouent au foot. Donc ils ont l'âge de ma dernière, à peine plus. Ils sont alignés contre le grillage derrière la tour là, alignés contre le grillage, plaqués avec un corps étranger, tu sais, avec une proximité. Et tu réclames des papiers à un môme qui joue en bas de sa tour? Non, c'était trop. Ce jour-là, le 6 décembre, c'était trop. Certes, il n'y a pas eu de mort et il n'y en aura plus. On espère qu'il n'y en aura plus. On va être comme des vigies. Nous sommes leurs parents. Nous sommes les premiers gardiens de la paix de nos enfants. Nous sommes leurs parents. Nous avons le droit de demander des comptes. C'est d'abord la jeunesse qui a été visée, mais une jeunesse spécifique. La même que celle de Mantes-la-Jolie, c'est-à-dire la jeunesse des quartiers pendant très très très longtemps. La jeunesse des quartiers, c'est-à-dire la jeunesse issue de l'immigration, qui se voyait subir les violences policières du matin au soir, sans que personne n'y voie trop à redire, et sans que l'opinion publique ne le sache. La particularité, et ça a commencé un peu avec Bergson, même si c'était déjà un lycée avec parisien, mais avec un peu la même sociologie que les quartiers, c'était dans le 19e arrondissement. Bergson, c'était des violences qui avaient été commises contre des lycéens devant le lycée en blocus. La particularité, là, c'est que avec Arago, avec Mantes-la-Jolie, d'abord, il y a eu une extension de la violence policière à des lycéens de sociologie différente, c'est-à-dire de sociologie classe moyenne, classe blanche, centre-ville. Et puis, ce qu'on a ciblé, c'était des lycéens à un moment donné de leur vie, devant le lycée, au moment d'une grève ou au moment d'un blocus. C'est-à-dire le moment où d'adolescents, d'enfants, on passe à citoyens. Peut-être que l'État, inconsciemment, se rend compte que s'il veut diriger plus facilement après des populations, empêcher une prise de conscience trop importante, empêcher trop de revendications, eh bien il faut taper à la racine et faire peur tout de suite. À ce moment-là, ce moment aussi fragile, aussi charnière. Donc je pense pas que ce soit anodin. Je pense même que c'est que ça fait partie de l'ADN de l'exercice du pouvoir. Mais il nous faut pour eux, pour nos enfants, il nous faut absolument relever les manches. Il nous faut absolument prendre son combat de plein front, parce que sinon nous ne les aiderons pas à se construire. Et nous ne les aiderons pas à construire un autre monde. Le combat est difficile, vous savez. Partout en Europe, des mères ont perdu leurs enfants. Partout en Europe, des mères se battent pour justice, pour la justice de leurs enfants. C'était la série documentaire Force de l'ordre, Mantes-la-Jolie, des lycéens à genoux. Avec le collectif de défense des jeunes du Mantois, avec Yessa, Anan, Myriam, Rachida, les jeunes, Maître Alimi, Jean-Marie Delarue, Édouard Durand, Arnaud Véry, Geneviève Bernanos. Lecture des textes, Yannick Chouara. Merci au CICOP, à Lina pour les archives, à la documentation de Radio France, à Annie Signoret de la Bibliothèque centrale de Radio France. Prise de son, Marc Arvenès et Yann Frécy. Mixage Bruno Mourlan, un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault pour la série documentaire. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter au commissariat, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Anaï Morales et Annelise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, les ados cyber harcelés prennent la main. Mais en attendant, restez à l'écoute. Blesse-moi encore, laisse-moi pleurer, on s'en fout. Pousse-moi jusqu'au bord, je m'accrocherai à ton cou. Tu tabasses mon cœur dans tous les sens. J'avoue, je joue un jeu dangereux dans tes hanches. De ta joue à tes lèvres, je balance. Tyrannie folle cadencée par l'insouciance. Je fais comme si demain rien à foutre. Qu'après ton corps, je changerai de route. Cette amertume, faudra qu'on y goûte. Qu'on s'assaisonne sans qu'on se découpe. Et je te vois, je te sens, je te jure, c'est pas marrant. Dans le vide, tu me lances. Mais tu m'as pris tous mes sens, tous mes sens. Quand tu zoupes, quand tu danses. Laisse-moi pleurer, on s'en fout. Pousse-moi jusqu'au bord, je m'accrocherai à ton cou. Je demande pas d'effort, une dernière nuit juste entre nous. Consumer nos corps dans une folie qui les noue. J'ai perdu aux amours de vacances. On s'était dit pas de promesses aux romances. Ta page nocturne, tu mènes la danse. Tu as le feu, bébé, tu n'es plus à prendre. Après cette nuit, je n'ai plus de doute. Mon cœur s'emballe quand ton corps se voûte. L'été s'achève, mais j'ai bien envie d'une autre escale dans ton paradis. Et tes lèvres et tes hanches, tout mon cœur en manque quand sur moi tu te penches. Et je ris quand j'y pense, folie de nos corps en transe. Tu me mates, tu me danses. Laisse-moi encore, laisse-moi pleurer, on s'en fout. Pousse-moi jusqu'au bord, je m'accrocherai à ton cou. Je demande pas d'effort, une dernière nuit juste entre nous. Consumer nos corps dans une folie qui les noue. Je fais comme si demain rien à foutre. Qu'après ton corps je changerai de route. Je fais comme si l'histoire était courte. Mais dans mon âme, j'avoue, j'ai des doutes. Et je te vois, je te sens, je te jure, c'est pas marrant. Dans le vide, tu me lances. Mais tu m'as pris tous mes sens, tous mes sens. Quand tu zoupes, quand tu danses.